Pendant la majeure partie de sa carrière, Cézanne a pris comme sujet les paysages qui entouraient son ex-natal, se focalisant surtout sur un petit nombre de sites, comme le coin du légendaire Château Noir. Le manoir avait été érigé au XVIIIe siècle par un industriel qui fabriquait du noir de fumée. Il utilisa ce noir de fumée pour décorer les murs intérieurs et les meubles. Il n'en fallut pas plus aux locaux pour l'associer à la magie noire et donner à sa demeure le nom de Château Noir. Cézanne a souvent représenté une vue panoramique du site. Ici, l'artiste a choisi une approche différente, centrée sur un bois de chêne où l'on peut voir une ancienne citerne de pierre en bas à gauche du tableau.